Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a donné sa réponse le 19 juin à la question de l'Agence télégraphique centrale de Corée en ce qui concerne les absurdités des États-Unis qui cherchent à empêcher les échanges et collaborations économiques entre notre pays et les pays africains. Il indique notamment: lors de son récent périple à certains pays africains, l'assistant au secrétaire d'État américain a péroré que la menace nucléaire nord-coréenne n'est pas loin et qu'à cause de la Corée du Nord, l'arme nucléaire risque d'être réutilisée au bout de 70 ans. Et il est allé absurdement jusqu'à demander aux pays africains de rompre toutes les relations avec notre pays s'ils veulent éviter la menace nucléaire. Comme le monde le sait, les États-Unis ont fabriqué l'arme atomique pour la première fois dans le monde et c'est l'unique pays de son usage. Ils sont l'auteur du diktat et de la tyrannie appuyés sur les menaces et chantages nucléaires. Or, malgré eux, ils prétendent que nous menaçons du nucléaire l'Afrique lointaine. Notre arme nucléaire cible non pas les pays africains, mais les États-Unis en proie aux hostilités contre la Corée. Elle est le moyen de la justice à faire disparaître en entier les États-Unis, foyer des mille maux du monde. Les États-Unis ont beau s'acharner à ternir l'image de notre République par les démagogies et les intrigues et à semer les discordes entre la Corée et les pays africains. Les traditions d'amitié et de coopération entre la Corée et les pays africains ont une longue histoire. Elles sont créées et consolidées depuis la lutte des pays africains pour l'indépendance et le début de l'édification d'une société nouvelle. Elles ne cessent de se renforcer à travers la collaboration de complémentarité sur la base de l'indépendance, de l'égalité et du respect mutuel. À propos de la coopération avec l'Ouganda, elle a été entreprise selon la demande du gouvernement ougandais depuis déjà longtemps pour lui porter ainsi une aide réelle. À présent, étant donné l'expiration du contrat concerné, notre personnel est en train de se retirer de ce pays suivant l'accord mutuel. Pourtant, les États-Unis prétendent ridiculement que l'Ouganda a interrompu la coopération avec notre pays sous leur pression. Les machinations américaines visent à pousser ouvertement les pays africains à la rupture des relations avec nous. Il s'agit de l'ingérence brutale dans les affaires intérieures des États indépendants et souverains, et elle est vouée à l'échec face à la condamnation et à la critique agissante des pays de la région. Le gouvernement de notre République élargira et développera invariablement les rapports d'amitié et de coopération traditionnels avec les pays africains, suivant l'idéal de la politique étrangère d'indépendance, de paix et d'amitié.